Nos rêves sont idiots. prendre une sacoche, attendre la fin toute proche de la longue phrase alambiquée, du dernier des poivreaux. Nos vies sont compliquées et nos rêves sont idiots. Nos vies sont compliquées et nos rêves sont idiots. Affalé sur le zinc trop moche, la vieille patronne du bar annonce le bas des yeux comme des sacoches, les tarifs des petites défoncent. Nos vies sont compliquées et nos rêves sont idiots. Nos vies sont compliquées et nos rêves sont idiots. Yeah. hosts and crew, as we sail across the sea, we do drift away in a sail across your mind. We do get it, you out of bound or alive. You steady, steady on, for it's nothing but a change of ground. As we're heading for the shooting stars that shine on the B deck, everyone, they see these stones that shine. I'm so far out and nothing could get back at me. Besides, I've just jumped off the boat, you see. Now this school of sharks are dragging me away to the center of the earth and around. Down these burning core appeals to me. It's like a present as we sail across the sea. It's like a major call from someone there about on a sort of burning cloud, you see. A face across the clouds appeals to me. Boys and crew, as we sail across the sea, we do drift away in a sakes and lives, you see. As we sail across your mind, we do get you out of our line. You steady, steady on, for it's nothing but a change of ground. As we're heading for the shooting stars that shine on the B deck, everyone, we see stones that shine. I'm so far away that no one could get mad at me. Besides, I've just jumped off the boat, you see. And now this school of sharks are dragging me away to the center of the earth and about. And this burning core appeals to me. It's like a present as we head across the sea. It's like a major call from someone there about on a sort of burning cloud, you see. And that face across the clouds appeals to me. Sucré qui me toise. à ma peau. Je finasse, je me ramasse, la tête scotchée sur la surface du macadam. J'ai les deux pieds dans une crevasse. Qu'est-ce t'as qui va pas, qui va pas, dis-moi. Qui va pas, dis-moi. Qu'est-ce t'as qui bouillonne chez toi. Qu'est-ce t'as qui chiffonne ton corps et tes draps. Ton corps et tes draps. Boniface, si tu veux, ferme la porte et tu verras. Tu seras creux, ton lit vide à côté de toi. Ne va pas dans ce sens-là, demi-tour, dépêche-toi. Boniface, retiens-toi, n'aie pas peur, tu verras bien que toutes ces traces de terreur sur tes deux mains disparaîtront. Plongé dans le fiel. nothing to me, and I'm gone, and I'm gone. We won't be what they want us to be. One can be just a leaf on a tree, and I'm gone. Imbécile, imbécile, viens trop tard. Mais Jacques qui blanc. Je vous écris sur le trimaran. Une ou deux couleurs de temps en temps. Le bleu du roulis, le gris du vent. Si je pars, c'est pour voir, c'est pour nous. Si je pars, bien plus qu'il ne faut. Tôt ou tard, je descendrai du bateau. Dans le noir des grandes villes à regarder les rodéos. Tôt ou tard, j'aurai mon île et mon ticket de métro. Surtout mon ticket de métro. Sorti le bois de ma guitare et mon canot sur le bateau pour répondre aux cris des carbeaux noirs, cris des carbeaux, cris des carbeaux, cris des le pas. cire, genre bicarbonate de soude, margarine. Oh, oh, oh, oh. Pour elle, c'était encore pire quand elle rêvait d'Hollywood. C'est bon la vie, c'est bon, mais pas souvent. Quand on n'est pas parti au bon moment, au moins t'es pas sorti quand t'avais le temps. Il lui fit des gosses pour rire, pour lui faire croire à l'osmose en sourd. Demain, tout sera différent. sentir sont à vous. Ils sont plus de deux, ils sont belliqueux. Les sauvages sont en face de vous. Dieu n'a rien dit, il arbitrait, comptant les points, comptant les plaies, comptant tout. Les vieux cow-boys bien assassins, assassinés, les vieux indiens. Maniaque névrosé. maniaque névrosé. De mes faux pas maniaques névrosés. partie de ceux qui, j'en suis sûr, ignorent l'horaire des trains. Et tu vis une vie de loin en loin. Tu fais partie de ceux qui, j'en suis sûr, préfèrent l'amour d'un chien. C'est pas la mer à boire, c'est rien. Mais si par hasard tu regardes par terre, tu verras le soir des pas solitaires. Quelqu'un comme toi qui marchait hier, juste là, juste à côté, juste toi. Et puis tu penses à quelqu'un, j'en suis sûr, tu penses à quelqu'un dont le cœur pourrait changer le tien. Et si tu penses à ceux qui, j'en suis sûr, serrent ta main dans leurs mains, c'est pas la mer à boire, c'est bien, c'est bien. Je n'ai rien dit, j'ai tué le temps. sangre con lágrimas estresadas. Transpirer dans vos chaussons, vous aimez rester.